Chapitre 23. Hérode, pendant ce temps, faisait chercher Jean, et il envoya quelques-uns de ses officiers à son père Zacharie, disant « Où as-tu caché ton fils ?» Et il répondit « Je suis le prêtre employé au service de Dieu, et je donne mon assistance dans le temple du Seigneur. Je ne sais pas où est mon fils. » Et les envoyés se retirèrent et rapportèrent cela à Hérode. Il dit avec colère « C'est son fils qui doit régner sur Israël. » Et il envoya de rechef vers Zacharie, disant « Parle avec franchise, où est ton fils? Ne sais-tu pas que ton sang est sous ma main ?» Et lorsque les envoyés eurent rapporté à Zacharie les paroles du roi, il dit « Dieu est témoin que j'ignore où est mon fils. Répands mon sang si tu le veux. Dieu recevra mon esprit, car tu auras versé le sang innocent. » Zacharie a été tué dans le vestibule du temple du Seigneur, auprès de la balustrade de l'autel.